cours numéro 21. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi wahdah. Wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd. انتهينا ولله الحمد من دراسة هذه الأبيات. On a fini l'étude de cette poésie. Cheikh Mohamed Ibn Hizam Al-Sharih, hafidhahullah, celui qui a expliqué cette manzouma, il a rajouté trois points qu'on va lire aujourd'hui bi'idhnillahi azza wa jal. Thumma, le cours suivant, jeudi, on révisera la poésie depuis le début. Na'am. Fa faites al-muraja'a. Faites al-muraja'a depuis le début. Hifdhan, ay la mémorisation. Fa le dernier cours, incha'Allah ta'ala, comme on fera une révision comme d'habitude en forme de questions-réponses. Amma al-yawm, fa nakmil bi'idhnillah azza wa jalla. Qala حفظه الله تعالى بعض أصول مسائل العقيدة التي لم يذكرها شيخ الإسلام في أبياته. Donc des fondements qui sont liés à cette croyance, la croyance de Salaf, que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah il a pas cité dans cette mandouma. Et cette mandouma, cette poésie, elle est très courte, résumée. Celui qui veut apprendre l'aqida en détail et étudier tous les fondements, ça sera dans d'autres livres. Amma cette manzouma, c'est un asl tayyib. Et c'est un livre simple, résumé pour les débutants. Enfin, au départ, il est tayyib. Ça ouvre les portes à d'autres livres. Et là, celui qui veut détailler ou qui veut étudier d'autres livres après هذه اللامية فالواسطية إلى طيب أو لمعة الاعتقاد كذلك القاعدة المتلى لشيخ ابن عثيمين كذلك الطحاوية أوسع من هذه الكتب التدمورية كذلك الشرح للطحاوية ابن أبي العز beaucoup d'autres livres في باب المعتقد. Lakin avec ces trois fondements qu'il va rajouter, fa fil haqiqa, on a une très bonne base dans l'étude de cette risale. Walillahi alhamd. Qala al-asl al-awwal, premier fondement qu'il a rajouté, hafidhahullahu ta'ala, haqiqatu al-iman. Ay, tout ce qui est lié avec l'iman. La foi. Qala Sheikh al-Islam, rahimahullah, fil wasitiyya, wa min usul ahli sunnati wal jama'ah, أن الدين والإيمان قول وعمل. Parmi les fondements de أهل السنة والجماعة, أن الإيمان c'est قول وعمل. C'est des paroles et كذلك des actions. D'autres savants ils utilisent d'autres termes pour définir. بعضهم يدisent قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. أي une croyance avec le cœur, une parole avec la langue, ou des paroles avec la langue et des œuvres avec les membres. Al-Muhim, toutes ces formulations, fil haqiqa, ça revient au même. Qala qawlu al-qalbi wal-lisan, wa amalu al-qalbi wal-lisan wal-jawarih. Il a expliqué ces termes, Cheikh Mohamed Hafidahullah, après avoir cité la parole de Cheikh l'Islam, et il expliquera en détail, fanaqra. En résumé, une parole avec le cœur et la langue, et une croyance avec le cœur, une parole avec la langue, et des œuvres avec le cœur, qu'al ikhlas wa tawakkul, la sincérité, placer sa confiance en Allah, c'est des œuvres du cœur, kadhalik, des œuvres avec la langue, kadhalik, des œuvres avec les membres, qu'al salat wa siyam, etc. Al-muhim, anna al-iman, c'est des croyances avec le cœur, des paroles avec la langue, et des œuvres, des actions avec les membres. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية عند أهل السنة كذلك contrairement aux murji'ah أنهم ils disent que العمل pour eux ça fait pas partie de l'Iman. أما نحن أهل السنة on dit que الأعمال ça fait partie de l'Iman. كذلك السني يقول أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. La foi elle monte avec les bonnes actions et elle descend à cause des mauvaises. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. Même si on dit que les membres ou les actes, les actions des membres, ça fait partie de la foi, ça ne veut pas dire que celui qui délaisse une action ou qui fait une ma'asiya, un péché, annahu il n'a plus l'iman. Là, les sunnah, ils ont un tafsil. Si c'est du kufr et du shirk et il meurt à la dhalik, il n'a plus l'iman. S'il fait du kufr akbar, du shirk akbar, annahu il n'a plus l'iman. Et s'il meurt à la dhalik, il est à la khatar kabir. أما سيسدون الشرك والكفر الأكبر أي les grands péchés كالزنا والسرقة وشرب الخمر etc. فهذا سعيست مسلم سعيست مؤمن لكن son إيمان il est ضعيف, sa foi elle est faible par rapport à ses péchés. أما dire que c'est plus un مسلم un مؤمن لأنه il a fait des péchés فهذا سمن مذهب الخوارج الضلال. فنحن le juste milieu. On ne dit pas comme le Mourdi'a, Anna les péchés ça fait aucun mal, Iyadam billah, et on n'exagère pas comme le Khawarij, Anna les grands péchés ça fait sortir min al-Islam. Là, les péchés ça fait du mal, ça fait descendre la foi, lakin, tant que ce n'est pas un péché qui fait sortir de l'Islam, qu'à al-Shirk ou al-Kufr, Nawaqid al-Islam, ça reste un mu'min. Lakin, un mu'min da'if l'iman, fasiq. Qala rahimahullah. بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. أي سارست ton frère مؤمن même s'il fait des معاصي. Et il va citer des preuves من القرآن الكريم أن صاحب المعاصي الله سبحانه وتعالى il l'a appelé مؤمن. Ça montre que ça reste un مؤمن même s'il fait des معاصي. لكن لا شك أن son إيمان il descend par rapport à ses معاصي. كما قال سبحانه في آية القصص قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرحه على الواسطية لأن vous avez remarqué que نعم on l'a lu أن الشيخ محمد حفظه الله rapporte الآن من الواسطية de شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين قال أي عند هذه الآية آية القصاص وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى إلى قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء. تأملوا قول الله عز وجل فمن عفي له من أخيه il l'appelait أخ أخيه أي c'est son frère. الأخ هنا c'est le مقتول celui qui s'est fait tuer. فمن عفي له من أخيه Aïe, si il pardonne à son frère, le frère c'est celui qui est mort, son frère c'est celui qui est mort. Si on pardonne au tueur, aïe, au meurtrier, c'est une kabira. Mais à hada, Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé cette personne qui l'a tué son frère. Qala Shaykh ibn Uthaymeen, wal murad bi akhi huwa al maqtoul. Aïe, dans le verset. L'anna ayat al qisas, huna, c'est fi al qatla. Kutiba alaykum al qisas ou fi al qatla. أي la sentence de celui qui tue un mu'min. قال شيخ ابن عثيمين ووجه الدلالة من هذه الآية على أن فاعل الكبيرة لا يكفر. Ça sera un kafir, Allah سبحانه وتعالى il aurait pas dit فمن عفي له من أخيه. أما هنا أثبت له الأخوة الإيمانية. Ça reste son frère في الإيمان. Malgré ce grand péché qui est le meurtre. قال أن الله سمى المقتول أخا للقاتل. Allah il a appelé celui qui s'est fait tuer frère. C'est le frère du meurtrier. Malgré ce zulm, il a été injuste envers lui, lakin on ne peut pas le faire sortir de l'islam. Lakin il a fait une kabira. Ma'a anna qatl al-mu'min kabira min kaba'ir al-dhunub. C'est pour ça que Cheikhul Islam il a cité donc ce verset. Faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf. وقال تعالى دوزيام فيرسيت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. شيخ الإسلام السيد سيفرسي من سورة الحجرات pour démontrer أن celui qui fait un grand péché ça fait pas de lui un kafir. Qui sait qui peut nous citer وجه الدلالة من الآية, comme on a cité dans le premier verset, on a cité pourquoi Cheikh al-Islam il a cité ce verset. Enfin, pourquoi Cheikh al-Islam il cite ces deux versets? عندمن سمى من يعني الطائفة يعني الذي يقتله يعني يقتله بينهما. نعم, الاقتتال بين المؤمنين c'est quoi? نعم لا يجوز. Pas le droit de s'entretuer entre mu'mins. Sibabu al-muslim fusuq wa qitaluhu kufr, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-murad huna c'est du kufr asghar. Muhim c'est une kabira. C'est pour ça que le nabi sallallahu alayhi wa sallam il a appelé kufr, malgré que c'est un petit kufr. Lakin c'est grave de tuer un mu'min, de s'entretuer entre mu'minin, de se diviser. Malgré cela, qala azza wa jal wa in ta'ifatan min al-mu'minin aqtatalu. Il a appelé les deux groupes mu'minun. Ah, là, je sais que quand deux groupes ils s'entretuent de musulmans, il m'a deux pays, il m'a deux villes, il m'a deux tribus, il m'a deux familles. Là, je sais qu'il y en a une des deux, une de ces deux familles, une de ces deux tribus, un de ces deux pays, il est en tort. Ils ne peuvent pas avoir les deux raisons. Il y en a, ils auraient raison, ils seraient à la haqq, ils ne seraient pas entretués. Enfin, là, je sais qu'il y en a un zalim et un mazloum. Ma'a hada, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a appelés mu'minin. Wa in ta'ifatani min al mu'minin aqtatalu. Fa'aslihu baynahum. فإن بغت إحداهما على الأخرى, si un des deux groupes il est injuste envers l'autre, فقاتلوا التي تبغي, on doit combattre celle qui est injuste حتى elle revient, elle délaisse son ظلم. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا, ثم on les réconcilie بالعدل, إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. À la fin, dans le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala il cite encore une fois من باب التأكيد أنهم سيد فخر إنما المؤمنون إخوة. C'est pour ça qu'on doit tout faire pour les réconcilier. On ne doit pas dire que un des deux groupes c'est des kafaras et on rend leur sang licite. Na'oudou billah. Tant que ça reste des mu'minin, ils ont fait une ma'asiyah et on essaye de faire sulh, etc. قال شيخ الإسلام ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية. Ça c'est madhhab al-salaf. مذهب أهل السنة والجماعة لا يسلبون. السلب c'est retirer. Donc on ne dit pas que الفاسق الملي. الفاسق c'est celui qui fait des péchés. الملي ça vient de l'milla, et de la communauté. Aïe, un pécheur qui fait des, une personne qui fait des péchés dans notre communauté. Aïe, c'est un musulman. Lakin il fait des péchés. On ne dit pas qu'il a plus l'iman complètement. Là, il y en a celui qui n'a pas d'iman, c'est un kafir. Le contraire de l'iman, c'est le kufr. Là, on dit, il a l'iman, lakin son iman, il est faible par rapport à ses ma'asi. وَلَا يُخْلِدُونَهُ فِي النَّارِ كَذَلِكِ ils disent pas أنه il est en enfer éternellement. مِتْلَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ. Là, il y en a celui qui reste éternellement en enfer, c'est le kafir. كَمَا تَقُولُهُ الْمُعْتَزِلَةِ كَذَلِكَ الْخَوَارِجِ. Al-Khawarij et al-Mu'tazila, ils sont d'accord, أن celui qui meurt من المؤمنين et il meurt sur des grands péchés, et il ne s'est pas repenti, et il est mort en faisant des grands péchés, enfin pour eux il est en enfer éternellement. Amma al-Khawarij, fa il le kafir fi dunya. Même avant de mourir, ils disent que c'est un kafir. Amma al-Mu'tazila, tant qu'il est vivant, ils ne disent pas c'est un kafir. Et ils ne disent pas c'est un mu'min. A'iyadan billah. Inhiraf wadih. Lianna al-insan, imma c'est un mu'min, imma c'est un kafir. Fahum, ils disent, on ne dit pas que c'est un mu'min, on ne dit pas que c'est un kafir. Lakin, s'il meurt, ils resteront en enfer éternellement. Fa fil haqiqa yukaffiruna, lakin ils sont pas explicites qu'al khawarij annahum il kaffar hatta fi dunya. Ala kulli hal, les deux groupes ils sont à la dhalal. Al murji'a, c'est un autre extrême. Ils disent que même s'il fait des grands péchés, sa foi est complète. A'iyadan billah. Ahl sunna wasat, c'est le juste milieu. Ils disent que ça reste un mu'min, li'annahu il croit en Allah, il croit en son messager, il fait salat. Et ils disent que c'est un fasiq, sa foi elle est faible. Et c'est un égaré par rapport à son égarement. Sa foi elle descend par rapport à ses péchés. Amma, tant qu'il n'a pas contredit son islam avec du kufr ou du shirk akbar, une chose qui le fait sortir min al-islam, ça reste un mu'min. Et nastafid min hada, anna al-mu'minin, ils sont darajat. Ils n'ont pas tous au même niveau. قال بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. Ce verset, كذلك, c'est sur نعم, sur القصاص. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. قال شيخ ابن عثيمين par rapport à ce verset, أما وجه الدلالة du précédent on l'a cité, elle est واضحة, وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا. أما هذا فقال شيخ ابن عثيمين فإن المؤمنة هنا يدخل فيه الفاسق. أي le début du verset c'est ومن يقتل مؤمنا خطأ, أي celui qui tue un مؤمن من باب الخطأ, il a pas fait exprès, c'est une erreur. فهذا إما il a franchi un esclave, فتحرير رقبة أو رقبة مؤمنة ودية مسلمة, كذلك le prix du sang à la femme. Et il y a des tafasils, si c'est un mu'min, c'est pas un mu'min, etc. Mouhim, nous, ce qui nous intéresse, on a fait tahrir ou raqabatin mu'mina. Allah, il a appelé cet esclave, il faut que ça soit un mu'min. Ça peut être un mu'min salih, ça peut être un mu'min fasiq. Le mot mu'min, il englobe tous les cas. À mathalan, wahed, s'il veut affranchir un esclave, il veut appliquer ce verset, il veut affranchir un esclave, même si cet esclave, il fait des péchés, s'il l'a franchi, Alhamdulillah, il a appliqué le verset. Pourquoi les annal mu'min, ça implique ou ça englobe celui qui fait des péchés et autres. Lakin, ils ne sont pas au même niveau, là, chek. Celui qui ne fait pas des péchés, il fait des efforts, etc., c'est un salih. Et celui qui ne fait pas d'efforts, qui fait des péchés, c'est un fasiq. Lakin, les deux, c'est des mu'minoun. Donc, s'il a franchi cet esclave, asif, fasiq, c'est valable. قال شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فلو أن إنسانا اشترى رقيقا فاسقا واعتقه في كفارة. Il y a beaucoup de kafara, et celui qui a fait une erreur, une faute, délaissé une chose, il doit faire une kafara, et pour expier son erreur. Enfin, celui qui tue un mu'min par erreur, il doit affranchir un esclave. قال أجزأه مع أن الله قال فتحرير رقبة مؤمنة فكلمة مؤمنة تشمل الفاسق وغيره. Même si c'est un esclave fasiq, s'il le libère et l'affranchit, c'est valable. C'est pour ça que Cheikh l'Islam il a cité ce verset هنا. قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل. الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل كما سيأتي إن شاء الله. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أي شيخ الإسلام يمدخلنا مثل هنا إنما المؤمنون أي les croyants c'est ceux qui إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Si Allah il est cité, وجلت قلوبهم, أي ils ont peur et ils se soumettent, etc. Tu trouves Rubbama Fasir, ça lui fait pas grand chose s'il entend un verset ou un hadith. Malgré ça, ça reste un mu'min. L'anna le mu'minun huna aïe ceux qui ont la foi élevée. Qala, wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriq sariq hina yasriq wa huwa mu'min, wa la yashrubu al-khamra hina yashrubuha wa huwa mu'min, wa la yantahibu nuhbatan ذاث شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. أي النبي صلى الله عليه وسلم il a cité des péchés, الزنا والسرقة, et il a démontré un acte pendant l'acte, c'est plus un مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أي s'il fait الزنا pendant qu'il fait الزنا, c'est pas un مؤمن. أي كامل الإيمان. Ce n'est pas un mu'min avec une foi complète. Mais là, je sais que ça reste un mu'min. On a vu que les autres versets, « Anas sidi muslimoun », ils s'entretuent, Allah il les a appelés mu'minoun. Pourtant, c'est un grand péché. Donc, « Al-Nafi » c'est « Nafi al-Iman al-Mutlaq » al-Kamil. la foi complète. Et ça, c'est un dalil. L'iman yazid ou yanqus, عند أهل السنة. Mais les Khawarij, ils ont mal compris ce hadith et ils ont délaissé les autres versets qui l'expliquent et les autres hadiths. Et ils ont dit Allah subhanahu wa ta'ala, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré à celui qui fait zina, c'est plus un mu'min. Ça vous montre la cause de l'égarement de Ha'oula. Ils prennent un hadith et ils délaissent le reste. Là, on prend ce hadith avec les autres et tu déduis un nafi, il n'a pas d'iman, il est complet. Si tu expliques autrement, tu vas te contredire avec les autres adil. Et ça ouvre une porte d'égarement. Et Shaykh Al-Uthaymeen n'a pas un hadaf il wasitiyya. Qal huna nafa anhu l'iman al-kamil. Hina zina. Il n'a plus l'iman, il est complet. Son iman, il descend. قال شيخ الإسلام ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. العلماء نعم ils emploient plusieurs formulations. Ils disent que c'est un مؤمن أي celui qui fait zina مثلا, ça reste un مؤمن لكن avec une foi faible. لأن il aurait une foi forte élevée, ça l'aurait empêché de faire zina. كذلك يقولون مؤمن بإيمانه, c'est un مؤمن لأنه إلى الفوى سنفاسق لأنه يفيد غرام فشي. على كل حال سغيست مؤمن. قال فلا يعطى الاسم المطلق, أي on dit pas que c'est un مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة عياذا بالله. Pour eux l'Iman de Jibril, de Abu Bakr al-Siddiq, des savants, des hommes pieux, des compagnons, etc. C'est comme l'Iman d'un fasiq qui fait الزina, qui boit de l'alcool. Pour eux, c'est pareil. هذا إلى الإيمان, هذا إلى الإيمان. Pourquoi? لأن عندهم الإيمان, c'est une chose. Ça ne peut pas monter et descendre. Si tu l'as, tu l'as. هذا c'est خطأ. لا, الإيمان, c'est. النبي صلى الله عليه وسلم nous a montré أن الإيمان بضع وستون شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. Donc, ce n'est pas une chose, l'إيمان. C'est plusieurs branches. فهذا. ولا يسلب مطلق الإسم. أي كذلك, on ne dit pas que. Il n'a plus l'iman. On lui retire le nom de l'iman. C'est un kafir. Là, entre les deux, ça reste un mu'min et sa foi, elle descend par rapport à ses ma'asi. S'il fait tawba et il fait des bonnes œuvres, sa foi, elle monte. Et tu le sens en tant que mu'min. Quand tu fais une ma'asiya, tu sens que ta foi, elle descend. Tu sens un dhir. Et tu sens que quand tu fais des efforts, tu fais l'ilm ou l'amal, tu sens que ta foi, elle monte. Intaha kalam, Sheikh l'Islam min al-wasitiyya. فقوله قول القلب. الآن on lit l'explication de certains mots que Cheikh l'Islam il a employé. قوله قول القلب هو الاعتقاد الصحيح بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالإيمان عند أهل السنة c'est dans le cœur, أي une croyance correcte بالله وملائكته etc. les six piliers de la foi. وقوله قول اللسان, une parole avec la langue, هو التكلم بالشهادتين والإقرار بالمعتقد الصحيح. Et ça, c'est des exemples. Et là, il y a d'autres choses que tu prononces avec la langue et ça fait partie de l'Iman, comme la lecture du Coran, etc. Comme les bonnes paroles, أذكار الأمر بالمعروف نهي عن المنكر, etc. Donc, une parole avec la langue. Il a cité comme exemple prononcer les deux shahadas. قوله عمل القلب, أي des œuvres du cœur. قال هو النية والإخلاص والتوكل والإنابة والمحبة والخوف والانقياد وغير ذلك من أعمال القلب. Il a cité comme exemple la sincérité. C'est une œuvre du cœur. كذلك التوكل, كذلك النية, l'intention, c'est dans le cœur. Tout ça, ça fait partie de l'Iman. قوله عمل اللسان والجوارح هو ذكر الله والصلاة والحج والصيام والجهاد وسائر الأعمال الصالحة. نعم. عمل اللسان, on l'a cité dans قول اللسان, et كذلك des œuvres avec tes membres. Qu'as salat, wal hajj, wal siyam, etc. وَقَدْ أَنْكَرَ أَئِمَّةُ السَّلَفِ عَلَى مَنْ أَخْرَجَ الْأَعْمَالِ مِنْ مُسَمَّ الْإِيمَانِ إِنْكَارًا شَدِيدًا. نعم. أما ceux qui disent que l'a'mal ça fait pas partie de l'iman, qu'al murdi'a, فعلماء السلف وكذلك أتبع السلف أنكروا عليهم. Ça, ça nous montre أن celui qui dit أن l'iman قول وعمل واعتقاد. C'est dans le cœur. Ça peut être des paroles avec la langue. Ça peut être des œuvres du cœur. Ça peut être des œuvres avec les membres. Et يقول كذلك أن الإيمان il monte et il descend. فهذا خرج من الإرجاء. On peut pas dire c'est un مرجئ. لأنه يقول بمعتقد أهل السنة والجماعة. قال وقوله بمطلق المعاصي والكبائر أي بأي معصية وكبيرة. أي on le fait pas sortir de l'iman بمطلق المعاصي والكبائر. أي s'il a fait une معصية, un grand péché. Tant que ce grand péché, ça ne le fait pas sortir de l'islam, comme le fait d'insulter Allah, sacrifier pour autre qu'Allah, adorer autre qu'Allah, se moquer du prophète, ça fait sortir de l'islam. L'un, on parle de kaba'ir, ça ne fait pas sortir de l'islam. Comme boire de l'alcool, faire zina, mentir, etc. Enfin, ça reste un mu'min, lakin, un fasiq par rapport à son péché. Wa qawluhu al-ism al-mutlaq ay al-iman al-kamil. Hada, on l'a cité dans la parole de Cheikh l'Islam. Wa qawluhu mutlaq al-ism ay aslu al-iman. Donc, par rapport au péché, son iman y descend. Donc, il n'a pas une foi complète par rapport à ses péchés. Et aslu al-iman, la base de la foi, ça reste un mu'min. Il croit en Allah, il croit aux anges, il croit aux prophètes, il croit aux livres, etc. Ça reste un mu'min. Lakin, il a des faiblesses dans certaines choses. On dit que c'est un mu'min et il a des faiblesses, il fait des péchés, c'est un égaré. Lakin, dire que c'est un kafir, là. Dire كذلك que c'est un musulman, il a une foi complète, là, le juste milieu. C'est ça, mu'taqad Ahlis Sunnati wal Jama'a, en résumé. Et les ulama, ils ont écrit des livres sur ça, que l'Iman, l'Awsat, les Cheikh l'Islam de Taymiyyah, c'est un kitab tayyib. Et d'autres livres, fil l'Aqidah, ils citent tous, walillahi l'hamd, ce chapitre fil l'Iman. Tambihun, il fait une remarque, la'alla Cheikh l'Islam, rahimahullah, lam yathkur hada fil l'Abiyat, li'anna Aba Hanifa, qad khalafa fih. فلم يدخل أو فلم يدخل الأعمال الصالحة في مسمى الإيمان. نعم شيخ محمد ابن حزام حفظه الله يقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ربما إلى بسيط الإيمان dans cette poésie. Pourquoi? لأن أبا حنيفة رحمه الله إلى ديزغر في الإيمان إلى في سرطير الأعمال من الإيمان. شيخ الإسلام vous vous rappelez le dernier vers, il a dit أن هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. Vu qu'il a cité à la fin que c'est la voie de ces quatre imams, ربما il a pas cité l'iman لأن أبا حنيفة il a خالف في هذا. Ça c'est une hypothèse فقط. قال ولعله حرص على أن يذكر ما اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة والله أعلم. ربما نعم il a voulu citer les choses où les quatre imams ils sont tous d'accord. ربما une autre hypothèse أن شيخ الإسلام il a voulu que ça soit résumé. Il n'a pas voulu citer tous les points. Léana, il n'a pas cité d'autres choses. Il n'a pas cité d'autres choses où Abu Hanifa il est d'accord avec tous les imams. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ala kulli hal, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il n'a pas cité l'Iman fi al-Lamiyya, lakin il l'a cité fi al-Wasitiyya et d'autres livres. Enfin, ça, c'est le premier point qu'il a rajouté. Et ça demande bien sûr des détails, etc. Lakin, nahnu on résume. Et Inch'Allah, les détails, c'est dans d'autres livres. Deuxième point, al-Asl al-Thani. الشفاعة l'intercession. نحن نؤمن أن يوم القيامة يغدى شفاعات que ce soit النبي que ce soit المؤمنون que ce soit الملائكة. شيخ الإسلام كذلك il a cité ce point في الواسطية et il l'a pas cité dans l'amية. فالشيخ محمد بن حزام il va le citer en résumé. فنقرأ. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات. النبي صلى الله عليه وسلم il fera trois fois أو il y a trois catégories plutôt de شفاعة. La première أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضي بينهم أو حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الشفاعة حتى تنتهي إليه عليهم الصلاة والسلام. هذا الحديث المعروف حديث صحيح لطويل أن أهل الموقف ليست شفاعة tout le monde en profitera. أهل الموقف المؤمنون والكفار والمنافقون. أي quand tout le monde sera rassemblé في أرض المحشر ils seront après avoir été ressuscité tout le monde attendra les comptes et ça sera difficile, ça sera long. Enfin, certaines personnes elles se dirigeront vers l'Anbiya pour qu'ils fassent shafa'a et pour que les comptes y commencent. Il y en a, c'est difficile d'attendre. Enfin, jami' al-Anbiya ils refuseront, thumma ils iront voir notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils l'accepteront. Enfin, cette shafa'a elle est khassa bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui la fera. Wa amma al-shafa'a al-thaniya, la deuxième shafa'a, فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. Deuxième shafa'a, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fasse intercession pour que al-mu'minun rentre fil jannah. لأن personne n'entrera fil jannah tant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam y rentre pas. Donc il fera shafa'a, il rentrera et après lui al-mu'minun y rentre. قال وهاتان الشفاعتان خاصتان له خاصتان له. نعم. Ces deux shafa'a, elles sont réservées qu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour Ahl al-Mawqif et pour que Ahl al-Jannah rentre fil jannah. وأما الشفاعة الثالثة troisième شفاعة elle est pas réservée qu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam فيشفع في من يستحق فيشفع في من يستحق النار أن لا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. Et cette شفاعة elle est pas réservée qu'au prophète عليه الصلاة والسلام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il la fera et كذلك المؤمنون. أي intercéder pour un mu'min qui doit rentrer fil nar, il a fait des péchés et mérite d'aller finnar, lakin quelqu'un fera intercédera pour lui pour pas qu'il rentre finnar. Ou un mu'min qui est rentré finnar à cause de ses péchés et un autre mu'min il intercède pour lui auprès d'Allah Azza wa Jal pour qu'il sorte min al-nar et il rentre fil jannah. Tout ça on y croit nahnu en tant que mu'minin, en tant que ahl as-sunnah. Pourquoi? Parce qu'il y a des preuves claires fi hada. Intaha kalam Sheikh al-Islam. قال الشيخ محمد حفظه الله وأقول أولا الشفاعة هي مشتقة من الشفع وهو ضد الوتر. نعم أي père et impère. وهي سؤال الخير للغير. C'est ça الشفاعة. C'est demander le bien pour un autre. Intercéder pour lui. إما pour un bien, إما pour lui retirer un mal. فمثلا un bien c'est qu'il rentre في الجنة, lui retirer un mal c'est qu'il sorte من النار. فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع. C'est comme si الشافع, celui qui intercède pour son frère, c'est comme s'il demande pour son frère il demande et lui-même il demande pour son frère. ولا تحصل الشفاعة إلا بإذن الله. الآن il va citer les conditions. C'est pas tout le monde qui profitera de الشفاعة. الشفاعة il y a des conditions. La première, لابد من الإذن. أي l'autorisation d'Allah Azza wa Jal. Amma ce qu'ils font l'an al-mushrikoun annahum ils demandent à des morts l'intercession, qui c'est qui leur a donné l'aide? Bel Allah il a interdit de demander aux morts et eux ils demandent aux morts shafa'a. Ça c'est batil. Bel demander à un mort c'est du shirk, annahu il ne peut pas donner ni shafa'a ni autre. Fallabud min al-idn, la permission d'Allah Azza wa Jal. Wa rida an al-shafi' wa al-mashfu' kadhalik, que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de celui qui fait l'intercession, qui intercède al-shafi' et al-mashfu', celui qui à qui on fait intercession. Matalan ce mu'min qui est fin nar. Et Allah subhanahu wa ta'ala comme a bayyana Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi yarda at-tawhid wa la yarda ash-shirk. Ce shart ça fait sortir al-kuffar. Kafir il peut pas faire intercession, il peut pas recevoir aucune des deux. Sauf Abu Talib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait intercession pas pour qu'il sorte min al-nar, lakin pour que le châtiment il soit diminué. Et ça c'est réservé seulement à Abu Talib pour ce qu'il a fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et réservé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqat. Malgré ça il sort pas min al-nar, il restera fil nar éternellement, lakin le châtiment il sera diminué. Et la'allah il va la citer cette intercession. Naam, il l'a cité. قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. Donc parmi les conditions pour l'intercession, al-rida, et qu'Allah il soit satisfait du shafi' et du mashfu'. Wa qala ta'ala wa kam min malakin fi as-samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha' wa yarda. Dans ce verset il a cité les deux, al-idn an ya'dhana Allah liman yasha' wa yarda. Ay Allah subhanahu wa ta'ala il autorise à qui veut et à ceux dont il est satisfait Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi la bud min al-idn. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première shafa'a qu'on a citée, quand les gens viendront le voir pour que les comptes y commencent yawm al-qiyamah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il se dirigera vers l'arche et il se prosternera et il demandera à Allah Azza wa Jalla et Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera l'autorisation. ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. أي الله سبحانه وتعالى يجي على النبي صلى الله عليه وسلم lève la tête, demande et fais intercession et on t'accordera. Fala bud min hada. Amma ceux qui demandent à des morts, iyadun billah, min bab al-shafa'a, tout ça c'est min al-shirk wal-kufr. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ثلاث شفاعات qu'on a lu dans la parole de Cheikh l'Islam fil wasti. قال الأولى منها الأدلة عليها متواترة ولا ينكرها أحد من المسلمين فقد أثبتها حتى الخوارج والمعتزلة. La première est الشفاعة pour tout le monde. Personne la dément, personne la renie, حتى الخوارج والمعتزلة. La question qu'on se pose الآن, pourquoi les خوارج ils acceptent cette شفاعة? Et pourquoi ils rejettent l'autre? L'autre shafa'a, c'est celle qu'on a citée, la troisième catégorie. Aïe, shafa'a pour ceux qui ont fait des péchés. Matalan, ils ont fait une nar, shafa'a pour qu'ils sortent minan nar. Pourquoi al-Khawarij wa al-Mu'tazila, ils ont accepté la première et ils n'ont pas accepté la dernière? Indaman. Parce que la première, elle englobe les kafirs et les moumines. Et la troisième, elle englobe les moumines et eux, les khawarij, ils rendent kafirs ceux qui ont commis les grands péchés. Donc pour eux, ils ne peuvent pas sortir minan nar. Ahsan, c'est simple. Comment ils vont accepter la troisième alors que pour eux, ce moumine, il ne peut pas sortir minan nar? Comment ils vont dire shafa'a, il va sortir minan nar? Les hada, ils l'ont rejeté. Amma, la première, là, ils l'ont accepté. Personne ne sort minan nar. C'est que pour que les comptes y débutent. Tout le monde l'a accepté. La troisième, mu'taqad ahl sunnah, anna mathalan wahid il a bu de l'alcool, il est mort, il n'a pas fait de tawbah. Il rentre fin nar à cause de ce péché. Allah il le châtie. Allah alam kam, une durée. Thumma wahid il fait intercession pour lui et il sort. Bi'idnillah azza wa jal. Nahnu on croit hada. Al-Khariji et le Mu'tazili ne croient pas en hada. Pourquoi? Parce que pour lui, s'il est rentré fin nar, il ne sort plus. Donc comment il va se dire annahu il sort? Mafhoum. Qala wa shafa'atu al-thaniyah. يدل عليها حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب فيستفتح الجنة فيقول الخازن أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. النبي صلى الله عليه وسلم quand il viendra devant la porte de الجنة فالخازن أي le gardien de الجنة il dira أمرت j'ai été ordonné de n'ouvrir à personne avant toi. Ça montre que النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم les autres. والشفاعة الثالثة la troisième وهي الشفاعة في خروج عصاة الموحدين من النار. Donc ces عصاء c'est le pluriel de عاصي, celui qui fait des péchés. هؤلاء des موحدين, ils sont morts à la tawhid, c'est des مؤمنين. لكن ils ont fait des erreurs. Ils ont fait zina, ils ont bu de l'alcool, ils ont fait beaucoup de choses et ils n'ont pas fait tawbah. Amma celui qui fait tawbah, Allah il lui pardonne. Haoula, ils n'ont pas fait tawbah. Qala fa adillatuha mutawatira. Kadalik, il y a plusieurs adillah fi hada. Wa qad ankaraha al-mu'tazila wal-khawarij. Et on a expliqué pourquoi. Lianna pour eux, sahibul kabira, c'est un kafir. Donc il n'y a pas de shafa'a pour eux. Iyadan billah, ils ont rejeté toutes les preuves authentiques fi shafa'a pour ne pas contredire leur madhab. C'est un dalil, même si ça contredit une chose que tu pensais ou que tu croyais ou tu avais l'habitude de dire, c'est un dalil, délaisse ta parole et reviens au dalil. Amma al-munharifun, parmi leurs caractéristiques, annahum, ils délaissent le dalil si ça contredit à leur voix. Et ils l'acceptent si ça contredit pas leur voix. Fa matalan, pourquoi ils ont accepté la première shafa'a? Il y en a pour eux, ça contredit pas leur madhhab. Le prophète, il fait shafa'a pour tout le monde, pour que les comptes y commencent. Hada, ça ne les gêne pas. Fallait hada, ils l'ont accepté. Ils l'ont pas accepté. Mimbab, annahu san dalil. Wa illa, ils ont accepté la troisième. Qala, wa hadihi shafa'atu laysat khassa bin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Aïe, la troisième. Al-mu'minun, ils feront shafa'a, les enfants pour leurs parents. Al-mala'ika. C'est pas que pour le prophète, ou les prophètes. Sallallahu alayhi wa sallam, bel hiya lahu wa li ghayrihi min al-anbiya wa s-salihin. ولشيخنا مقبل رحمه الله كتاب عظيم في إثبات هذه الشفاعة سماه الشفاعة وذكر أقسامها فيه فراجعه فإنه مفيد. تمام. Il a cité une référence par rapport à الشفاعة. Le livre de Cheikh مقبل الشفاعة. Il a cité une مقدمة طيبة, la voix des salaf sur الشفاعة. ثم tout le reste du livre, il a cité beaucoup de hadith في الشفاعة. Des hadith authentiques sur الشفاعة. كذلك dans les livres de Tawhid, Kitab al-Tawhid, مثلا, les Cheikh l'Islam, Mohamed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il y a un bab, un chapitre, al-Shafa'a. Et celui qui veut les détails, il revient à l'explication de Kitab al-Tawhid. Enfin, l'ulama, il détaille fi bab al-Shafa'a. قال وبقي بعض الشفاعات التي لم يذكرها شيخ الإسلام أي في الواسطية d'autres شفاعات que شيخ الإسلام il a pas cité في الواسطية on les lit en résumé إحداها شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه كما في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة أي son oncle النبي صلى الله عليه وسلم قال j'espère que ma شفاعه أي mon intercession lui sera utile يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه عياذا بالله أي il sera placé ou un feu il sera placé sous ses pieds et ça fera bouillir son cerveau عياذا بالله. فهذا سأقل الناس عذابا. Ça c'est, il fait partie des personnes qui seront le moins châtiées في النار. Et c'est ça son châtiment. Tout ça, la cause c'est شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم, il a intercédé pour lui pour ce qu'il a fait pour lui في الدنيا. لكن il sort pas من النار. Pourquoi? لأنه il est mort على الكفر. Il a pas dit الشهادة. يا عم قل لا إله إلا الله il a refusé. عياذا بالله. قال وهذه الشفاعة خاصة. نعم, c'est le seul kafir qui recevra shafa'a, c'est Abu Talib. Et c'est pas pour le faire sortir minan nar, c'est pour faqat diminuer le châtiment. Et le seul qui la fera, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. الثانية, deuxième shafa'a que Cheikh l'Islam il a pas cité, الشafa'atu للمؤمنين في رفع درجاتهم في الجنة. وهذه الشafa'a تكون بالدعاء وتكون في الدنيا. وهي عامة تشمل المؤمنين الصالحين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. نعم, شفاعة pour élever le mu'min في الجنة. مثلا il a tel degré, si on donne des numéros مثلا au 10e, الشفاعة pour qu'il soit élevé au 15e ou 20e. هذا et هذه elle est bien sûr pour le mu'minin. Et ça montre que le Jannah, il y a des degrés. Et ça montre que le mu'minin, on n'est pas tous au même niveau. Contrairement à ce qu'ils disent le murji'a. C'est pour ça que l'iman, il monte et il descend. Enfin, celui qui a un iman qawi et meurt à la khair, Rabbana, il sera dans les hauts degrés. Un autre, c'est un mu'min, il n'a pas fait beaucoup d'efforts, lakin c'est un mu'min, il sera quand même fil Jannah. Et ça montre que d'alik, l'importance du tawhid. Anna al-muwahhid, il est fil Jannah. Tambihun. Une autre remarque, ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الشفاعة بخروج عصاة الموحدين عامة ويدل على ذلك حديث أبي سعيد الخضر رضي الله عنه في حديث الشفاعة وفيه أن المؤمنين يشفعون بخروج العصاة قال ثم يقول الله عز وجل شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط الحديث أخرجه مسلم وأصله في الصحيحين. نعم, فهذا دليل أن المؤمنين يبخفتهم de cette شفاعة وكذلك d'autres مؤمنين اللي يخفرون شفاعة. هذا ما يتعلق بهذا الأصل الثاني الشفاعة dans les livres de التوحيد détail كذلك dans les livres de Aqida Hiyanan. Et Cheikh Mokbil il a un kitab tayyib fi hada. Troisième fondement, et on conclut avec hada, as-sabru ala ulat al-umur wa injaru wa adam al-khuruj alayhim. Et ça c'est un fondement azim. Patienter face aux injustices des gouverneurs et l'interdiction de se rebeller. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جار الجور c'est الظلم. Donc on n'a pas le droit de se rebeller même si ils sont injustes. Et on n'a pas le droit de obéir في هذه المعصية. Si nous ordonne de faire un péché, on n'a pas le droit, on ne obéit pas. Lakin on n'a pas le droit de se rebeller et les insulter et les critiquer et être la cause d'une fitna, ayyadan billah. La. La ta'a li makhlouq fi ma'asiyat al-khaliq. Si c'est une ma'asiyat, on n'obéit pas. Lakin, on préserve le jama'a. Et on n'appelle pas à la fitna, comme ils font ahlul bid'a'i wa dhalal. Et on patiente. Et on fait du'a. Qala, ولا ندعو عليهم et on fait pas de dua contre eux ayadan billah comme ils font بعض الضلال لا fait dua pour lui ça reste un musulman ça reste un mu'min il a des faiblesses comme toi tu as des faiblesses il a une responsabilité que t'as pas fait dua pour lui لانه si Allah il exauce ton dua et ce amir il revient à la tariq ça profitera à tout le monde باذن الله عز وجل on doit faire dua pour eux لا نغفل أئمة السلف الإمام أحمد والفضيل وغيرهم رحمة الله عليهم يقولون أنهم سيزون un دعاء مستجاب si ils sauraient qu'ils ont un دعاء une invocation si la font elle est exaucée ils l'auraient faite pour le gouverneur لماذا لأنهم ils savent que si ce gouverneur il est guidé tout le monde en profitera فنحن لا نغفل عن هذا on doit faire دعاء خاصة في هذه الأيام أيام الفتن on doit faire دعاء pour nos gouverneurs ولا ننزع يدا من طاعتهم on s'écarte pas de ta'a de l'obéissance là si c'est une معصية on n'obéit pas لكن on appelle tout au khuruj et دائما on appelle à obéir au gouverneur في طاعة الله et à patienter et à conseiller à faire du'a ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة pourquoi نحن on appelle à obéir au gouverneur là من أجل المال ou on a peur خوف ou pour un profit de الدنيا là لأنها c'est من طاعة الله الله سبحانه وتعالى nous a ordonné هذا يا أيها الذين آمنوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا النبي صلى الله عليه وسلم il nous a ordonné بهذا أسمع وأطيع أي أبي à ton gouverneur كم من أحاديث في هذا كثيرة ما لم يأمروا بمعصية si c'est une معصية on n'obéit pas لكن sans insulter sans se rebeller tu ne fais pas cette chose et تصبر وندعو لهم بالصلاح والمعافاة Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les guide. Wa nattabi'a as-sunnah wal jama'ah wa najtanib ash-shudud wal khilaf wal furqa wa nuhib ahli al-'adl wal amala wa nubghid ahli al-jawr wal khiyana. Ay la c'était la fin de la parole de l'imam al-Tahawi. Wa aqul ay Sheikh Mohammed hafidhahullah al-adilla al-warida fi ta'ati wulat al-umur fi ta'ati Allah wa as-sabr 'alayhim wa 'adam al-khuruj 'alayhim mutawatira wa kathira jiddan. Walillahi alhamd, on a déjà fait plusieurs kalimat, on a traité ce sujet plusieurs fois. Wa qad alafa akhuna Abu Abdullah Ahmad As-Sawma'i waffaqahu Allah kitaban fi dhalik wa jama' al-adilla al-warida fi dhalik ismuhu ad-durr al-manthur fi tahrim al-khuruj 'ala wulat al-umur. Et d'autres livres. Il a cité ce livre hafidhahu Allah et d'autres livres. Min ahsaniha kitab mu'amalat al-hukkam 'ala dhawi al-kitab was-sunnah. العلامة الشيخ عبد السلام بن برجس رحمة الله عليه c'est من أحسن الكتب obéir au gouverneur selon le Coran et la Sunna كذلك العلماء traitent ce sujet في كتب العقيدة في الطحاوية في الواسطية c'est دائما ce point important c'est un fondement ça te montre que celui qui contredit ce fondement c'est pas un sunni ولا aussi il se dit sunni c'est un munharif لأن أهل السنة ils ont des صفات ils s'accrochent à des fondements parmi ces fondements obéir au gouverneur. Amma ahlul bid'a, ils se sont tous rassemblés annahum da'iman critiques, ils appellent à la rébellion, au fitan, à la révolte, etc. نسأل الله عز وجل السلام والعافية. قال أسأل الله العظيم الحي القيوم ذا الجلال والإكرام أن يجعل عملي صالحا ولوجهه خالصا وأن لا يجعل لأحد فيه نصيبا وأسأل الله عز وجل أن ينفعني بهذا الكتاب وأن ينفع به سائر المسلمين انتهى كتاب رسالة مفيدة révisez-la révisez les points importants révisez la mémorisation ولله الحمد la plupart des frères ils l'ont apprise par cœur et le prochain cours on interrogera celui qui veut réciter la poésie ثم on posera des brèves questions et inshallah ça sera profitable pour tout le monde سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك